Chapitre 4. Et cette heure qui devait consommer leur rupture fut celle qui leur révéla sûrement leur amour mutuel. Dans son langage coloré, ardent, un peu heurté, où brûlait toute la fièvre de sa nature fougueuse et insoumise, Robert dit sa passion, née si involontairement, longtemps ignorée, brusquement dévoilée à lui-même par un incident futile, à cause d'une fleur acceptée par Gisèle d'un petit jeune homme quelconque. Il avait vu rouge, il avait failli souffleter le pantin. Puis, se reprenant, il avait lutté contre lui-même, il avait voulu se guérir très sincèrement. Peine perdue, il souffrait. Pourtant, il était résolu à se taire. C'était malgré lui qu'il avait fallu qu'il parlât. Mais il ne pouvait pas le regretter, car, si elle ne l'aimait pas, il valait mieux qu'il partît. Il lui était impossible de continuer à vivre ainsi. Ah, qu'elle avait été cruelle sans le savoir, de lui avoir donné une petite place dans sa vie, assez grande pour qu'il sentît toute la douceur de son intimité, pour qu'elle l'eût, oh bien innocemment, grisé de son charme, de sa beauté, de toute la séduction qui émanait d'elle. Et d'évoquer tous ses souvenirs, la voix de M. Daugier se faisait rauque. Il serrait les poings. Entre ses doigts, machinalement, il tordit le manche d'argent massif d'un miroir à main, et sa parole enflammée éveilla dans l'âme de Gisèle un trouble indicible. Elle se sentait à la fois délicieusement meurtrie et caressée. Ses résolutions s'envolaient. Son cœur achevait de s'éclairer. Non, non, ce n'était pas une fièvre passagère qui l'avait égarée la veille. En vain, elle avait essayé jusqu'à ce qu'il fût là de se tromper elle-même. Sa seule présence avait dissipé tous les sophismes qu'elle s'était efforcée d'entasser. Non, elle l'aimait. Elle l'aimait de toutes ses forces, et très simplement elle dit « Moi aussi, Robert, je vous aime. » Fou, avec une sorte de râle, il bondit, voulut la prendre dans ses bras, l'étreindre éperdument. D'un geste hautain de commandement, elle le contint. « Je vous jure, Robert, que si vous me touchez, je ne vous revois de ma vie. » Il s'arrêta, étonné, croyant mal entendre, ne comprenant pas. Qu'exigeait-elle de lui ? Il l'obéirait en esclave, mais si elle l'aimait. Pendant quelques secondes, elle se tut et réfléchit. Puis, gravement, elle lui expliqua ses volontés. Elle ne se fit pas autre qu'elle n'était. Elle l'aimait, oui, elle l'aimait. Et peut-être, s'il le voulait absolument, elle n'aurait pas le courage de se refuser éternellement à lui. Elle dit cela très simplement. Elle ne s'appesantit pas sur tout ce qu'elle lui sacrifierait. Sur les remords qui l'attendaient, sur sa déchéance d'honnête femme. Elle l'aimait. Il l'écoutait avec adoration, la chérissant davantage d'être si différente des autres. Mais de nouveau, elle l'arrêta du geste. Une chose était décidée en elle. Elle ne commettrait pas une action basse. Un crime peut-être, pas une vilenie. Donc, si jamais elle lui cédait, c'était une supposition. Elle entendait que ce fût sans hypocrisie, que sa faute fût éclatante. Elle briserait aux yeux de tous avec son passé. Ils partiraient ensemble. Une telle aventure ne l'effrayait-elle pas? Robert se déclara prêt à tout. Pourtant, avait-elle bien mesuré les conséquences de son acte, le bouleversement de toute sa vie, les difficultés de l'avenir? Il ne pourrait lui donner le même luxe. Ne souffrirait-elle pas d'être exclue de ce monde qu'elle aimait? Il croyait de son devoir de l'avertir sérieusement. Au surplus, qu'elle n'allait pas croire qu'il hésitait. Quelque peu préparée qu'il fût à une telle éventualité, elle comblait ses vœux les plus fous. Mais pourtant... Elle lui coupa la parole d'un ton net. Elle n'admettait pas pour une femme une autre manière de trahir la foi jurée. Les sacrifices dont il parlait seraient la rançon de son bonheur, s'ils existaient. À ses yeux, ils n'existaient pas. Elle ne regretterait rien, mais c'était à lui de réfléchir. Malgré ses protestations, elle continua. Songeait-il qu'il renonçait, sinon pour toujours, elle ne se faisait pas d'illusions, au moins pour quelque temps, pour des années peut-être, à cette vie honorable et paisible à laquelle il aspirait, à ce mariage que lui-même ne se défendait pas de désirer? Il la supplia de ne pas insister. Il était prêt à tout, dès demain, dès ce soir. Elle secoua la tête. Non, un tel nœud ne devait pas être contracté à la légère. Il s'agissait là de leur vie. Elle n'entendait pas qu'il fût victime, qu'elle-même peut-être fût victime, d'un entraînement passager, d'une illusion qui se dissiperait. Elle exigeait qu'il prît un délai pour tout peser, pour bien mesurer la grandeur de cette décision. Elle-même d'ailleurs en avait besoin. Il fallait qu'elle réfléchît même si elle consentait. Elle avait des dispositions à prendre. Dès ce moment, et elle appuya pour dissiper l'arrière-pensée honteuse qu'elle devinait, elle n'était plus à un autre. Elle serait à lui dans un mois, si tous deux se sentaient sûrs d'eux-mêmes. Il se récria, supplia. Il voulait 48 heures. Enfin, un accord intervint. Le délai fut fixé à 8 jours. Pendant ce temps, rien ne serait changé dans leur relation. Le samedi suivant, à la même heure, il se présenterait. Et si loyalement, en toute sincérité, il lui adressait la même prière, elle lui donnerait sa réponse définitive. « Ah, c'est vous-même, Gisèle, qui aurez changé. » Elle sourit divinement et le jeune homme fut embaumé de la grâce inexprimable de sa jeunesse et de son âme tendre et inassouvie. Mais déjà elle se levait et le congédiait. Il subissait son ascendant, se retirait sans oser trahir, même d'un geste, son désir passionné de sceller d'une seule étreinte le lien déjà établi. Mais elle le devina, et au moment où il se baissait pour passer sous la portière qu'elle soulevait, elle effleura de ses lèvres le front du jeune homme. Il se releva, voulut la saisir, elle s'était déjà enfuie. Il lui jeta encore un baiser du bout de ses doigts fins.